on a peut-être l'air fou. C'est pas pour ça qu'on sort de l'asile, on fait peut-être les durs. Mais au fond, qu'est-ce qu'on est fragile, on a l'air blasé. Mais y'a trop de choses qu'on apprécie. On passe de beaux moments dans nos quartiers, nos décis. On n'est pas des lumières, mais dans nos têtes c'est clair et net. On a des choses à dire, et pourquoi on se tairait, mec? On guette pas quand tu tapes ton code au guichet. On n'est pas négatif, pourtant on traîne des clichés. On n'a pas des gueules d'ange, c'est pas pour ça qu'on est des démons. Ouais, les gens changent quand la haine démon. On n'a peut-être pas les mots qu'il faut. Comme tout le monde, on a nos défauts, on a nos lacunes. Comme aimer la thune, on a la tête dans les nuages, c'est pour mieux décrocher la lune. On y a peut-être laissé des plumes, mais on n'est pas des canards. On a drôle de manie, on a trop regardé Tony Montana. On est peut-être des garçons du père, que la rue récupère. Avec elle c'est relou, à chaque fois que tu joues tu perds. On met peut-être les voiles, mais seulement après une barbe. Ce qu'on a pris faut qu'on le garde. On a peut-être des cicatrices, mais on marche pas avec des cutters. Votre maladresse m'attriste, vos préjugés m'écœurent. La première fois vous m'avez dit que j'étais lourd. Moi je comprends pas, vous me sortez, tu fais pas le poids le dernier jour. Mystérieux. On vient pas d'une autre planète. Vous vous méfiez des jeunes et c'est les dieux qui vous la mettent. On a peut-être des têtes de tueurs, on n'est pas des assassins. Pas là pour tout casser, même si on n'a pas les mocassins. On est né ici, et c'est bien, on a la peau foncée. Mais on peut pas aller de l'avant avec vos arrière-pensées. On est peut-être des dealers, mais ils sont exacts. Les Yankees écoutent le disque, ils en veulent 10 de chaque. On a peut-être pas de tube, parce qu'on aime pas passer la paume à ton gros. On n'aime pas donner notre huc. On est peut-être bavard, mais nos avis diffèrent. On va pas mal parler sur nous, on laisse nos ennemis le faire. On est peut-être souvent debout dans la cour d'assises. La justice à deux vitesses, une pour Alain, une pour Aziz. On n'ira pas à Fleury, même s'ils disent qu'on est fané. On veut réussir notre vie ici avant de canner. Les délits de sale gueule au quotidien, c'est embêtant. On est recalé même avec un CV en béton. Si on est les mauvais, alors c'est vous les bons. Ok, on est décalé, mais qu'est-ce qu'on rappe dans les temps? On a peut-être l'air con lorsqu'on erre dans les rues de Paris. Air Max au pied, le torse bombé, flippe sur nos gabarits. On a de grosses caisses, c'est pas pour ça qu'on est des grossistes. Croyez pas qu'on soit des fétistes, donc sinon on proteste. La parole est une arme, mettez-la pas dans vos étuis. On a peut-être un langage cru, c'est pas pour ça qu'on est cuit. On est peut-être des bonnes pommes, mais la chanson porte ses fruits. Détruit, fait des dégâts comme un gomme-con et qu'on ressent jusqu'au dom-dom. On est louche, plus bizarre que nous tumeurs. On prend pas d'élan pour préparer nos sauts d'humeur. On est mal vu dans les avenues, pistés dans les supermarchés. Ils nous font juste marcher en faisant courir de fausses rumeurs. On vient vous parier, si on vous dit qu'on a le regard revolver et aucune balle dans le barillet. C'est vrai quelquefois on a des comportements douteux. On espère que ça s'arrangera incessamment sous peu. C'est vrai quelquefois on a des comportements douteux. On espère que ça s'arrangera incessamment sous peu. Incessamment sous peu. C'est vrai quelquefois on a des comportements douteux. On espère que ça s'arrangera incessamment sous peu. Incessamment sous peu.